La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080. Elle est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. On va parler de la Ligue de hockey Géomarin du Québec. C'est la grande finale qui débute ce soir à Blainville-Boisbriand. Beaucoup de rumeurs également, des nouvelles intéressantes concernant l'armada de Blainville-Boisbriand qui pourrait être achetée par le Canadien. On va parler avec notre collaborateur qui est à la Coupe Fred Page, Yves Bolduc. Salut Yves! Salut Dani! Yves, il faut savoir que tu es directeur des communications de la Ligue Junior 3. Les gens qui se rappellent du petit concessionnaire au début des années... Au milieu des années 2000, à peu près, 2010 à peu près, 2006-2007, il était à Dolbeau-Mistassini, c'est la même ligue, et ainsi de suite. C'est un petit peu la Coupe Memorial en fin de semaine, mais de la Ligue Junior 3. Et comment ça va pour nos représentants du Québec? Oui, c'est pas tout à fait de la Coupe Memorial, c'est peut-être une étape avant, c'est-à-dire que c'est le championnat de l'Est du Canada. De hockey junior A qui regroupe les champions des Maritimes, les Blizzards d'Edmundston, les champions du Québec, le Collège français de Longueuil qui en est à sa cinquième participation en 8 ans, avec un chevronné entraîneur, là, Pierre Petroni, qui est très bien connu dans la région de Montréal. Il en est à sa 23e saison à la barre du Collège français. Il y a 8 championnats à sa fiche. Et les 2 dernières équipes proviennent de la Central Canada Hockey League. Donc, la Ligue est en frontière du Québec, là, du côté de l'Ontario. Alors, les champions de cette Ligue-là, c'est les Sénateurs juniors d'Ottawa qui agissent également à titre de club hôte et les finalistes des séries éliminatoires de la Ligue, les Canadiens de Carlton Place. Et ce tournoi-là se déroule là, jusqu'à dimanche. Jusqu'à maintenant, l'équipe qui représente la Ligue de hockey junior 3A du Québec, le Collège français, est... performe très, très, très bien. D'ailleurs, Danny, ce soir, à 19h30, ils vont disputer le dernier match de la ronde préliminaire contre les Sénateurs juniors d'Ottawa. C'est le match, dans le fond, qui va décider de quelle formation passera directement à la finale dimanche, puisque les deux équipes ont une fiche de 2-0. Et le Collège français l'a fait très, très, très bien ici. Je pourrais dire que c'est une équipe qui a été un petit peu sous-évaluée lors de la dernière période de transaction en janvier, mais depuis ce temps-là, roule à pleine capacité. Un gardien de but de 17 ans, Philippe Savard-Massé, qui a fait écarquiller les yeux de bien des dépisteurs l'an dernier. Imagine-toi qu'il évoluait avec une formation juvénile scolaire division 1, là, ce que vous retrouvez entre autres à Robertval, également dans quelques écoles là, au Saguenay. Là. Et puis là, il se retrouve à la tête de l'équipe junior A numéro 1 au Québec. Et les dépisteurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec là, sont nombreux depuis 2 jours pour le voir garder les buts parce que c'est lui qui, littéralement, là, traîne la formation de Pierre Petroni. OK. Donc, on va surveiller ça de près. Puis là, le gagnant de ça s'en va là à la vraie, genre, on peut comparer ça à la vraie Coupe Memorial, c'est ça? Oui, le gagnant de la Coupe Fred Page qui sera décidé dimanche, là, se rendra par la suite dès la semaine prochaine à Chilliwack en Colombie-Britannique pour le championnat de la Coupe RBC qui est le championnat canadien de hockey junior A. Okay. Est-ce que c'est déjà arrivé que le Québec, c'est des équipes de la Ligue 3 qui ont représenté que... Oui, c'est arrivé à 4 occasions que des formations du Québec se sont présentées là. C'est plus rare. Faut savoir, par contre, que les budgets sont pas les mêmes. Au Québec, les formations junior A, là, leur budget d'opération évolue entre 150 000 et 200 000 $ Alors qu'entre autres, ceux qui remportent le plus souvent la Coupe RBC, là, la Ligue de la Colombie-Britannique, eux ont des assistances de 2 500 spectateurs et évoluent avec des budgets qui frôlent le million et demi de dollars. Donc, c'est pas du tout dans la même catégorie. Non. Mais lorsqu'on est sur la glace, ben il y a plus de chiffres qui apparaissent au chiffrier là, au chéquier. Donc, oui, ça arrive. D'ailleurs, la dernière formation québécoise qui a participé à la Coupe RBC, ce sont les Cobras de Terrebonne l'an dernier. qui avait remporté la Coupe Napa au Québec, la Coupe Fred Page, pour ensuite se présenter à la Coupe Herbis. C'est Robert, comment il s'appelle, lui? Je l'ai interviewé. Robert Dubuc. Robert Dubuc, il fait longtemps qu'il est là, lui. Je l'ai interviewé dans le temps du multi-concessionnaire. C'est une légende dans cette ligue-là, Géant 3, là, Robert Dubuc. Oui, je te dirais que Pierre Petroni, Robert Dubuc, là, c'est vraiment des légendes. Pierre Petroni, là, quand je vous dis 23 ans à la barre du Collège français, il a aussi dirigé dans le même circuit les Olympiques de Montréal. Il avait fait une pause de 5 ans. Il a dirigé 2 ans le Laser de Saint-Hyacinthe dans la Ligue junior majeure du Québec. Il est entraîneur, président, gouverneur, directeur général, donc propriétaire également de la formation de Longueuil. Donc, un gars qui est un passionné, qui dirige sa formation là, depuis 23 ans. C'est-tu parce qu'il y a eu un gars qui a été 23 ans, qui a été 2 ans dans la Ligue junior majeure du Québec? Qu'est-ce qu'il fait pas? Est-ce que lui, c'est parce qu'il préfère la Ligue de hockey junior majeure du Québec? Parce que me semble que 23 ans dans Junior 3, tu veux passer à d'autres choses. Tu sais, je regarde un gars comme Mario Roy. Mario Roy qui était l'instructeur de Plessisville. Il est rendu à Saint-Georges-de-Beauce dans la Ligue nord-américaine. T'as eu c'est pas Dominique Duchamp, t'as Patrice Poche qui a été essayé par les Saguenay qui est dans les Junior 3. Petroni, ça y a pas tenté plus que ou ça a mal viré son expérience? C'est quoi qui s'est passé? Non, il y a eu une bonne expérience de 2 ans avec le Laser de Saint-Hyacinthe. Okay. Il a dirigé une bonne formation. Malheureusement, au moment où il dirigeait le Laser de Saint-Hyacinthe, il y avait également une bonne formation à 20 minutes de lui, là, qui s'appelait le Collège français de Longueuil et qui était très, très fort. Il occupait le premier rang du classement général à ce moment-là. C'est plutôt que Pierre, maintenant âgé de 60 quelques années, il est passé, là. Mais là, il n'a vraiment plus la motivation de retourner à ce niveau-là. Il a encore le goût de donner à des jeunes. Mais dans ces bonnes années, là, je vous dirais que Pierre était capable de diriger n'importe quelle formation dans la Ligue junior majeure du Québec. C'est un gars qui est particulier, coloré. Ouais. Il y a toutes sortes de trucs. Il n'y a pas un grand technicien, là, mais tout un motivateur qui réussit année après année à conduire ses équipes, là. Dans les meilleures positions aujourd'hui. OK. Yves, es-tu au courant de... Ben, je l'ai mis au courant. Phil Desgagnés vient de dire à Dan Radio Sport également qu'il a été contacté cette semaine par des gens de Montréal. Il n'a pas voulu me dire c'était qui. Pour avoir son opinion sur les équipes de la région, si Canadiens s'impliqueraient dans les Ligue junior du Québec, comment ça serait vu. Pour avoir l'opinion de Phil... moi, je trouve que ça a bien du sens, cette rumeur-là qui circule, qui a été lancée mercredi par Martin McGuire et Mario Langlois, que l'Armada de Blainville-Boisbriand serait vendue aux Canadiens de Montréal. Ça ferait partie du deal. C'est que tu en penses de ça? Que Joël Bouchard... Ça a déjà existé, Danny, à l'époque du Canadien junior de Verdun et du Canadien junior de Montréal. C'est des formations qui appartenaient à la grande famille du Canadien. C'est fort possible. On en entend beaucoup effectivement parler dans la région de Montréal. Avec le départ de Joël Bouchard et éventuellement avec le Canadien, je pense que l'armada de Blainville-Boisbriand pourrait connaître certains moments un petit peu plus chambranlants. Donc probablement que ça pourrait se réaliser. Ce qui me surprend par contre, c'est que ce serait le groupe Bell qui ferait l'achat de la formation de Vidéotron. Ce serait une transaction un petit peu loufoque. Mais c'est dans les possibilités. Mais par contre, là, Danny, faudrait bien être clair. Je pense pas que c'est une transaction hockey. Ce serait une transaction d'affaires, tout simplement. Permettre à l'Armada de non seulement être acquéri par le Canadien de Montréal, mais ils vont également déménager à la place Belle de Laval, ce qui ferait que il y aurait 40 soirs de plus d'occupation là au niveau de la place Belle avec le Rocket et les spectacles, les galas de boxe. Il y aurait une synergie également qui s'installerait avec le Rocket pour la billetterie aussi. Tu pourrais avoir un package deal, le billet de saison, genre acheter un billet de saison Rocket et obtenir 50 pour quelque chose de même. Puis pour le Canadien, perdre 200-300 000, c'est des pinottes pour eux autres. Bon, tout à fait. Ça pourrait être dans les cartes là, de procéder de cette façon-là, mais c'est vraiment pas une question hockey parce que, étant donné les règlements en vigueur dans la Ligue junior majeure du Québec avec la séance de sélection, tout ça, donc ça serait pas nécessairement les joueurs qui appartiennent aux Canadiens dans le junior qui joueraient là. Donc les opérations seraient comme elles le sont actuellement à Blainville-Boisbriand. On déménagerait tout simplement l'équipe Déjà, là, on entend des noms pour diriger si jamais Joël Bouchard se joignait à l'organisation du Canadien, soit comme entraîneur des défenseurs ou comme assistant au directeur général. Et le nom qu'on entend le plus souvent, là, c'est l'actuel entraîneur adjoint de Joël Bouchard avec l'Armada, là, Daniel Jacob, okay. qui hériterait là, du job d'entraîneur. OK. Éric Veilleux, ta prédiction finalement ne se réalisera pas, ce ne sera pas le prochain entraîneur du Rocket. Es-tu surpris de l'avoir retourné dans le Gion? C'est sûr qu'avec le Mousset d'Halifax, quelque part, ils vont être toute une équipe l'an prochain. Ça va être des sérieux aspirants à la Coupe du Président, tout le moins, peut-être même gagner la Coupe Memorial. Le gars, il arrive à bon timing. Là. Oui, puis non, je ne suis pas surpris. Moi, j'avais prédit qu'il s'en allait avec le Rocket. Par contre, les Moussets d'Halifax là, ont surpris un peu tout le monde, y compris ouais. les Voltigeurs de Drummondville. Je pense qu'ils avaient Éric Veilleux également dans la mire. Mm. Et mes informateurs me disent que les Voltigeurs là, ont hésité un petit peu parce qu'ils ne voulaient pas vivre l'expérience que les Tigres de Victoriaville ont vécue il y a 2 ans au moment où ils ont engagé Éric Veilleux et qui a quitté la formation 2 semaines avant le début de du camp d'entraînement là, pour se joindre au Rampage de San Antonio dans la Ligue américaine. Alors, ils ont probablement que Drummondville a échappé Éric Veilleux d'une certaine façon, mais est-ce que ça me surprend qu'il revienne dans le junior? Non, parce que au niveau des conditions salariales, les Mousseuses d'Halifax sont capables d'accoter là, n'importe quelle formation de la Ligue américaine à ce niveau-là. Éric Veilleux, c'est un gars qui a gagné dans le junior et là, ben, il arrive dans un, comme tu le mentionnes, là, dans une situation qui est parfaite pour lui parce que il est assuré de participation. D'une participation à la Coupe Memorial comme un club hôte. Alors, puis il hérite d'une formation qui est très, très bien garnie. Il y a des transactions importantes là, qu'on va entendre dans les prochaines semaines qui vont impliquer des formations actuelles de la Ligue junior majeure du Québec avec les Moussets d'Halifax. Donc, oui, Éric Veilleux là, est un candidat important. Ce que ça occasionne, par contre, c'est que du côté des Voltigeurs de Drummondville maintenant, où on avait dit qu'on probablement privilégierait des gens qui sont déjà en place. Mais là, les rumeurs là, sont importantes au sujet de Félix Potvin, de Mario Durocher. Il ouais. Y a même une rumeur un petit peu loufoque, mais qui pourrait peut-être se réaliser, là, dépendamment de ce qui pourrait s'offrir à lui. Mais on mentionne même que Bob Hartley pourrait être l'adjoint de son fils, Steve. C'est ce bout-là que je trouve loufoque. Ouais. Il n'y a pas personne qui va croire que Bob sera l'adjoint de son fils. Je pense que s'il va à Drummondville, Bob sera l'entraîneur-chef. Là. Mais tu dis sérieusement dans Bob. Là. Bob Hartley, sérieusement. Si Bob n'a pas d'offre au niveau professionnel, je vois pas pourquoi que lui, plutôt qu'un autre, là, accepterait pas de faire un pas derrière. De toute façon, pour un an, c'est une bonne expérience, d'autant plus qu'il, pour la première fois, pourrait diriger une équipe avec son fils. Bon, je sais pas. T'sais, un gars comme Bob Hartley, il me semble que s'il n'y a pas d'offre de la Ligue nationale, l'Europe, et surtout qu'il a déjà été, fait que ça pourrait être une alternative. Je ne sais pas si ça y tendra encore. Bref, Guillaume, ouais, la tendresse aussi. Moi, je t'offre la possibilité de diriger les Voltigeurs de Drummondville, une formation qui va être aspirante à gagner le championnat dans la Ligue junior majeure du Québec l'an prochain. Une bonne chance de participer également à la Coupe Memorial parce qu'il y aura 2 clubs du Québec. Et ben, l'autre option que je te donne, c'est de diriger la Lettonie où tu gagneras absolument rien. Je suis pas certain, moi, que Bob Hartley ne regardera pas du côté de Drummondville. Il y a pas de salaire aussi. Ça débute ce soir, la grande finale. Comment tu vois ça, Batters contre... Batters reposé contre Blainville-Beaubriand qui est fatigué mais expérimenté. Oui, expérimenté, mais je pense que la fatigue là, va jouer un gros facteur dans cette série-là. Et j'y vais d'entrée avec ma prévision, là, le Titan d'Acadie-Batters en 6. Le Titan qui s'est défait rapidement des Tigres de Victoriaville. Il a eu le temps de soigner quelques petits bobos s'il y en avait. Une brigade défensive là, extraordinaire, comme on en a rarement vu, là, très, très solide. Olivier Galipeau qui joue de très grosses minutes pour eux. Donc, je pense que ça va jouer en faveur du Titan parce qu'on connaît les difficultés que l'Armada a eues avec les Islanders de Charlottetown là, qui ont connu des séries éliminatoires incroyables après avoir pris le 9e rang du classement général. Alors, ça a pris 7 matchs à l'Armada, même si dans le 7e match, là, Charlottetown n'avait plus de gaz dans le réservoir. Là. Il reste que la fatigue. Faut pas oublier là, que les l'Armada de Blainville-Boisbriand, là, ils ont joué 3 séries contre des formations éloignées, donc des voyages exigeants pour eux. Là, ouais. En première ronde, les Foreurs de Val-d'Or. En deuxième ronde, les Screaming Eagles du Cap-Breton. En troisième ronde, les Highlanders de Charlottetown. Puis là, ça va être le Titan Acadie Batters, donc encore une quatrième équipe à longue distance. Moi, je pense que ça va jouer à un moment donné sur l'Armada, parce que oui, ils sont talentueux, Danny, mais pas des très gros gabarits. Là. Alex Barré-Boulet, là, c'est un excellent joueur, mais pas un gros gabarit. Alexandre Alain, c'est un bon joueur également, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de pression sur lui, là. Toute la durée des séries et leur gardien de but, là, Émile Sanson, qui, du haut de ses 5 pieds 7, là, fait tout un travail, mais à un moment donné, là, je me demande s'il va être capable de conduire cette équipe-là. En tout cas, s'il le fait, là, ça sera chapeau à toute cette formation-là, dirigée par Joël Bouchard. Ben, effectivement. Donc, tu vois quoi, Batters en 5? Moi, j'y vais avec Batters en 6. En 6, ok. C'est-tu qu'on regarde ça, puis c'est quasiment 5 liens qui ont donné plus de fil à retard au Titan, là? Ben, c'est définitivement les Saguenayens, parce qu'à un moment donné... Ouais. Le doute était pas loin de s'installer. Les Saguenayens avaient le Titan dans les câbles, là, puis c'est tout simplement le retour du balancier qui a fait que le talent a repris le contrôle de cette série-là, puis les Saguenayens n'étaient pas dans une année où ils pouvaient se battre vraiment avec eux, là, mais... oui, les Saguenay, c'est définitivement la formation qui a donné le plus de fil à retard au Titan ainsi. OK. Pas Pascal, mais Yves, on se reparle le vendredi prochain. Oui, il n'y a pas de problème, bon, Danny. Bonne semaine. Bon séjour à Ottawa. Donc, c'est le collaborateur Yves Baudier.